Section 1 de Le dossier 113. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Bidou. Le dossier 113, par Émile Gaborio. Chapitre 1. On lisait dans tous les journaux du soir, du mardi 28 février 1865, le fait divers suivant. Un vol très considérable, commis au préjudice d'un honorable banquier de la capitale, M. André Fauvel, a mis ce matin en émoi tout le quartier de la rue de Provence. Des malfaiteurs, d'une audace et d'une habileté extraordinaires, ont réussi à pénétrer dans les bureaux et, là, forçant une caisse qu'on avait tout lieu de croire inattaquable, ils se sont emparés de la somme énorme de 350 000 francs en billets de banque. La police, aussitôt prévenue, a déployé son zèle accoutumé et ses investigations ont été couronnées de succès. Déjà, dit-on, un employé de la maison, le sieur P. B., est arrêté. Tout fait espérer que ses complices seront bientôt sous la main de la justice. 4 jours durant, Paris entier ne s'occupa que de ce vol. Puis, de graves événements survinrent. Un acrobate se cassa la jambe au cirque. Une demoiselle débuta sur un petit théâtre. Et le fait divers du 28 février fut oublié. Mais les journaux, pour cette fois, avaient été, peut-être à dessein, mal ou du moins inexactement renseignés. Une somme de 350 000 francs avait été, il est vrai, soustraite chez M. André Fauvel, mais non de la façon indiquée. Un employé, en effet, avait été arrêté provisoirement, mais on n'avait recueilli contre lui aucune charge décisive. Ce vol, d'une importance insolite, restait sinon inexplicable, du moins inexpliqué. Au surplus, voici les faits, tels qu'ils se trouvent relatés avec une exactitude méticuleuse aux procès-verbaux d'enquête. Chapitre 2. La maison de banque André Fauvel, rue de Provence, numéro 87, est très importante et grâce à son nombreux personnel, a presque les apparences d'un ministère. C'est au rez-de-chaussée que sont situés les bureaux et les fenêtres qui prennent jour sur la rue, sont garnis de barreaux assez gros et assez rapprochés pour décourager toutes les tentations. Une large porte vitrée donne accès dans un immense vestibule où stationnent du matin au soir 3 ou 4 garçons. À droite se trouvent les pièces où le public est admis et un couloir qui conduit au guichet de la caisse principale. Les bureaux de la correspondance, du grand livre et de la comptabilité générale sont à gauche. Au fond, on aperçoit une petite cour vitrée sur laquelle ouvrent 7 ou 8 guichets, inutiles en temps ordinaire, indispensables lors de certaines échéances. Le cabinet de M. André Fauvel est au premier, à la suite de ses beaux appartements. Ce cabinet communique directement avec les bureaux par un petit escalier noir, étroit et fort raide, qui débouche dans la pièce occupée par le caissier principal. Cette pièce, que dans la maison on appelle la caisse, est à l'abri d'un coup de main et presque d'un siège en règle, blindée qu'elle est, ni plus ni moins qu'un monitor. D'épaisses plaques de tôle garnissent les portes et la cloison où est pratiqué le guichet, et une forte grille obstrue le conduit de la cheminée. Là se trouve scellé, dans le mur, par d'énormes crampons, le coffre-fort, un de ces meubles fantastiques et formidables, qui font rêver le pauvre diable dont la fortune entière tient à l'aise dans sa porte-monnaie. Chef-d'œuvre de la maison Becquet, ce coffre-fort a 2 mètres de haut sur 1,5 mètres de large. Entièrement en fer forgé, il est à triple paroi, et à l'intérieur se trouvent des compartiments isolés pour le cas d'incendie. Une clé, petite et mignonne, ouvre ce meuble. C'est que pour ouvrir, la clé est la moindre des choses. 5 boutons d'acier mobile, sur lesquels sont gravées toutes les lettres de l'alphabet, constituent surtout la force de l'ingénieux et puissant appareil de fermeture. Avant de songer à introduire la clé dans la serrure, il faut pouvoir replacer les lettres des boutons dans l'ordre où elles se trouvaient quand on a fermé. Aussi, chez M. Fauvel, comme partout du reste, ferme-t-on la caisse avec un mot qu'on change de temps à autre. Ce mot, le chef de la maison et le caissier le connaissent seuls. Ils ont aussi chacun une clé. Avec un tel meuble, posséda-t-on plus de diamants que le duc de Brunswick, on doit dormir sur les 2 oreilles. On ne court, ce semble, qu'un danger. Celui d'oublier le mot qui est le « Sésame, ouvre-toi » de la porte de fer. Cependant, le 28 février au matin, les employés de la maison Fauvel arrivèrent à leur bureau comme d'ordinaire. À 9h30, chacun était à sa besogne. Lorsqu'un homme d'un certain âge, très brun, à tournure militaire, en grand deuil, se présenta dans le bureau qui précède la caisse et où travaillent 5 ou 6 employés. Il demandait à parler au caissier principal. Il lui fut répondu que le caissier n'était pas encore arrivé, et que d'ailleurs, la caisse n'ouvre qu'à 10 heures, ainsi que l'annonce un grand écriteau placé dans le vestibule. Cette réponse parut déconcertée et contrariée au dernier point le nouveau venu. « Je pensais, » dit-il d'un ton sec, frisant l'impertinence, « que je trouverais quelqu'un à qui m'adresser. M'étant entendu hier avec M. Fauvel, je suis le comte Louis de Clamerand, maître de forge à Oléron. Je viens retirer 300 000 francs, confiés à la maison par mon frère, dont je suis l'héritier. Il est surprenant qu'on n'ait pas donné d'ordre. » Ni le titre du noble maître de forge, ni ses raisons, ne parurent toucher les employés. « Le caissier n'est pas arrivé, » répétèrent-ils. « Nous ne pouvons rien. Alors, conduisez-moi près de M. Fauvel. » Il y eut une certaine hésitation. Mais un jeune employé, nommé Cavaillon, qui travaillait près de la fenêtre, prit la parole. « Le patron est toujours sorti à 7 heures, » répondit-il. « Je repasserai donc, » fit M. de Clamerand. Et il sortit, sans saluer, ni même toucher le bord de son chapeau, comme il était entré. « Pas poli le client, » fit le petit Cavaillon. « Mais il n'a pas de chance, car voici justement Prosper. » Le caissier principal de la maison André Fauvel, Prosper Berthomy, est un grand beau garçon de 30 ans, blond, avec des yeux bleus, soigné jusqu'à la recherche et mis à la dernière mode. Il serait vraiment très bien s'il nous trait le genre anglais, se faisant froid et gourmé à plaisir, et si un certain air de suffisance ne gâtait sa physionomie naturellement riante. « Ah, vous voilà !» s'écria Cavaillon. « On est déjà venu vous demander. Qui ?»« Qui? Un maître de forge, n'est-ce pas ?»« Précisément. Eh bien, il reviendra. Sachant que j'arriverai tard ce matin, j'ai pris mes mesures hier. » Prosper avait ouvert son bureau tout en parlant. Il y entra, refermant la porte sur lui. « À la bonne heure !» s'écria un des employés. « Voilà un caissier qui ne se fait pas de bile. Le patron lui a fait 20 scènes, parce qu'il arrive toujours trop tard, il s'en soucie comme de l'an 40. Il a ma foi bien raison, puisqu'il obtient tout ce qu'il veut du patron. D'ailleurs, comment viendra-t-il matin? Un garçon qui mène une vie d'enfer, qui passe toutes les nuits? Avez-vous remarqué sa mine de déterré ce matin? Il aura encore joué, comme le mois passé. J'ai su par couturier qu'en une seule séance, il a perdu 1500 francs. Sa besogne en est-elle moins faite? Interrompit Cavaillon. Si vous étiez à sa place. Il s'arrêta court. La porte de la caisse venait de s'ouvrir, et le caissier s'avançait, d'un pas chancelant. « Volé ! » balbutia-t-il. « On m'a volé !» La physionomie de Prosper, sa voix rauque, le tremblement qui le secouait, exprimaient si bien une affreuse angoisse que tous les employés ensemble se levèrent et coururent à lui. Il se laissa presque tomber entre leurs bras. Il ne pouvait plus se soutenir. Il se trouvait mal. Il fallut l'asseoir. Cependant, ses collègues l'entouraient, l'interrogeant tous à la fois, le pressant de s'expliquer. « Volé, disait-il, où, comment, par qui ?» Peu à peu, Prosper revenait à lui. « On a pris, répondit-il, tout ce que j'avais en caisse. »« Tout ? Oui, 3 paquets de 100 billets de 1 000 francs et 1 de 50. » Les 4 paquets étaient entourés d'une feuille de papier et liés ensemble. Avec la rapidité de l'éclair, la nouvelle d'un vol s'était répandue dans la maison de banque. Les curieux accoururent de toutes parts. Le bureau était plein. « Voyons, » disait à Prosper le jeune Cavaillon, « on a donc forcé la caisse. »« Non, elle est intacte. »« Eh bien, alors ?»« Alors, il n'en est pas moins un fait, c'est qu'hier soir, j'avais 350 000 francs et que je ne les retrouve plus ce matin. » Tout le monde se taisait. Seul, un vieil employé ne partagea pas la consternation générale. « Ne perdez donc pas ainsi la tête, monsieur Berthomy, » dit-il. « Songez que le patron doit avoir disposé des fonds. » Le malheureux caissier se dressa toute une pièce. Il s'accrochait à cette idée. « Oui, s'écria-t-il, en effet, vous avez raison, ce sera le patron. » Puis, réfléchissant, « Non, » reprit-il d'un ton de découragement profond, « non, ce n'est pas possible. Jamais, depuis 5 ans que je tiens la caisse, M. Fauvel ne l'a ouverte sans moi. 2 ou 3 fois, il a eu besoin de fonds et il m'a attendu, envoyé chercher, plutôt que d'y toucher en mon absence. « Peu importe, » objecta Cavaillon, « avant de se désoler, il faut l'avertir. » Mais déjà, M. André Fauvel était prévenu. Un garçon de bureau était monté à son cabinet et lui avait dit ce qui se passait. Au moment où Cavaillon proposait de l'aller chercher, il parut. M. André Fauvel est un homme de 50 ans environ, de taille moyenne, aux cheveux grisonnants. Il est assez gros, légèrement voûté, comme tous les travailleurs acharnés, et il a l'habitude de se dandiner en marchant. Jamais une seule de ses actions n'a démenti l'expression de bonté de son visage. Il a l'air ouvert, l'œil vif et franc, la lèvre rouge et bien épanouie. Né aux environs d'Aix, il retrouve, quand il s'anime, un léger accent provençal qui donne une saveur particulière à son esprit, car il est spirituel. La nouvelle portée par le garçon l'avait ému, car lui, d'ordinaire assez rouge, il était fort pâle. « Que me dit-on » demanda-t-il aux employés qui s'écartèrent respectueusement devant lui. « Qu'arrive-t-il ? » La voix de M. Fauvel rendit au caissier l'énergie factice des grandes crises. Le moment décisif et redouté était arrivé. Il se leva et s'avança vers son patron. « Monsieur, commença-t-il, ayant pour ce matin le remboursement que vous savez, j'ai hier soir envoyé prendre à la banque 350 000 francs. « Pourquoi hier, monsieur ? » interrompit le banquier. « Il me semble que 100 fois, je vous ai ordonné d'attendre au jour même. Je le sais, monsieur, j'ai eu tort, mais le mal est fait. Hier soir, j'ai serré ces fonds, ils ont disparu. Et cependant, la caisse n'a pas été forcée. « Mais vous êtes fou !» s'écria M. Fauvel. « Vous rêvez !» Ces quelques mots anéantissaient toute espérance. Mais l'horreur même de la situation donnait à Prosper, non le sang-froid d'une résolution réfléchie, mais cette sorte d'indifférence stupide qui suit les catastrophes inattendues. C'est presque sans trouble apparent qu'il répondit. « Je ne suis pas fou, par malheur, je ne rêve pas, je dis ce qui est. » Cette placidité dans un tel moment parut exaspérer M. Fauvel. Il saisit Prosper par le bras et, le secouant rudement, « Parlez » cria-t-il, « parlez ! Qui voulez-vous qui ait ouvert la caisse ?»« Je ne puis le dire. Il n'y a que vous et moi qui sachions le mot. Il n'y a que vous et moi qui ayons une clé. » C'était là une accusation formelle. Du moins, tous les auditeurs le comprirent ainsi. Pourtant, le calme effrayant du caissier ne se démentit pas. Il se débarrassa doucement de l'étreinte de son patron, et bien lentement il dit « En effet, monsieur, il n'y a que moi qui ai pu prendre cet argent. Malheureux !» Prosper se recula, et les yeux obstinément attachés sur les yeux de M. André Fauvel, il ajouta « Où vous ?» Le banquier eut un geste de menace, et on ne sait ce qui serait arrivé si, tout à coup, on avait entendu à la porte, donnant sur le vestibule, le bruit d'une discussion. Un client voulait absolument entrer, malgré les protestations des garçons, et en effet, il entra. C'était M. de Clameran. Tous les employés réunis dans le bureau se tenaient debout, immobiles, glacés. Le silence était profond, solennel. Il était aisé de voir que quelques questions terribles, questions de vie ou de mort, se débattaient entre tous ces hommes. Le maître de forge ne voulut rien voir. Il s'avança, toujours le chapeau sur la tête, et du même ton impertinent, il dit « Il est 10 heures passées, messieurs !» Personne ne répondit. Et M. de Clameran allait poursuivre, lorsqu'il aperçut le banquier qu'il n'avait pas vu. Il marcha droit à lui. « Enfin, monsieur » s'écria-t-il, « je vous trouve, et c'est vraiment fort heureux. Déjà une fois ce matin, je me suis présenté. La caisse n'était pas ouverte, le caissier n'était pas arrivé, vous étiez absent. » « Vous vous trompez, monsieur, j'étais dans mon cabinet. » « On m'a cependant affirmé le contraire, et tenez, c'est monsieur que voici qui me l'a assuré. » Et du doigt, le maître de forge désignait Cavaillon. « Cela d'ailleurs importe peu, » reprit-il, « je reviens. Et cette fois, non seulement la caisse est fermée, mais on me refuse d'entrer des bureaux. Bien m'en a pris de violer la consigne. Vous allez me dire si je puis, oui ou non, retirer mes fonds. » Monsieur Fauvel écoutait, tremblant de colère. De blême, il était devenu cramoisi. Pourtant, il se contenait. « Je vous serai obligé, monsieur, » dit-il enfin d'une voix sourde, « de vouloir bien m'accorder un délai. Il me semble que vous m'aviez dit, oui, hier. Mais ce matin, à l'instant, j'apprends que je suis victime d'un vol de 350 000 francs. » Monsieur de Clameran s'inclina ironiquement. « Et faudra-t-il attendre bien longtemps ? » demanda-t-il. « Le temps d'aller à la banque. » Aussitôt, tournant le dos au maître de forge, M. Fauvel revint à son caissier. « Préparez un bordereau, » lui dit-il. « Envoyez au plus vite. Qu'on prenne une voiture pour retirer les fonds disponibles à la banque. » Prosper ne bougea pas. « M'avez-vous entendu ?» répéta le banquier près d'éclater. Le caissier tressaillit. On eût dit qu'il sortait d'un songe. « Envoyer est inutile, » répondit-il froidement. « La créance de monsieur est de 300 000 francs. Et il ne nous reste pas 100 000 francs à la banque. » Cette réponse, on eût juré que M. de Clameran l'attendait, car il murmura « Naturellement !» Il ne prononça que ce mot, mais sa voix, son geste, sa physionomie signifiaient clairement « La comédie est bien jouée, mais c'est une comédie et je n'en suis pas dupe. » Hélas, Pendant que le maître de forge laissait ainsi percer brutalement son opinion, les employés, après la réponse de Prosper, ne savaient que penser. C'est que Paris, à ce moment, venait d'être éprouvé par d'éclatants sinistres financiers. La tourmente de la spéculation avait fait chanceler de vieilles et solides maisons. On avait vu des hommes honorables et des plus fiers aller de porte en porte, implorer aide et assistance. Le crédit, cet oiseau rare du calme et de la paix, hésitait à se poser, prêt à ouvrir ses ailes au moindre bruit suspect. C'est dire que cette idée d'une comédie convenue à l'avance entre le banquier et son caissier pouvait fort bien se présenter à l'esprit de Jean, sinon prévenu, au moins très à même de comprendre tous les expédients qui, en faisant gagner du temps, peuvent assurer le salut. Monsieur Fauvel avait trop d'expérience pour ne pas deviner l'impression produite par la phrase de Prosper. Il lisait le doute le plus mortifiant dans tous les yeux. « Oh, soyez tranquille, monsieur !» dit-il vivement à monsieur de Clamerand. « Ma maison a d'autres ressources. Veuillez prendre patience. Je reviens !» Il sortit, monta jusqu'à son cabinet, et au bout de 5 minutes reparut, tenant à la main une lettre et une liasse de titres. « Vite, couturier !» dit-il à l'un de ses employés. « Prenez ma voiture qu'on attelle, et allez avec monsieur jusque chez monsieur de Rothschild. Vous remettrez la lettre et les titres que voici, et, en échange, on vous comptera 300 000 francs que vous donnerez à monsieur. » Le désappointement du maître de forge était visible. Il sembla vouloir excuser son impertinence. « Croyez, monsieur, commença-t-il, que je n'avais aucune intention offensante. Voici des années, déjà, que nous sommes en relation, et jamais... »« Assez, monsieur, interrompit le banquier. Je n'ai que faire de vos excuses. Il n'y a en affaires ni connaissance, ni amis. Je dois, je ne suis pas en mesure, vous êtes pressant. C'est juste, vous êtes dans votre droit. Suivez mon commis, il vous remettra vos fonds. » Puis, se tournant vers les employés qui avaient attiré la curiosité, « Quant à vous, messieurs, dit-il, veuillez regagner vos bureaux. » En un moment, la pièce qui précède la caisse fut vide. Seuls les commis qui y travaillent y étaient restés, et, assis devant leur pupitre, le nez sur leur papier, ils semblaient absorbés par leur besogne. Encore sur le coup des rapides événements qui venaient de se succéder, M. André Fauvel se promenait de long en large, agité, fiévreux, laissant par intervalles échapper quelques sourdes exclamations. Prosper, lui, était resté debout, appuyé à la cloison. Pâle, anéanti, les yeux fixes, il paraissait avoir perdu jusqu'à la faculté de penser. Enfin, après un long silence, le banquier s'arrêta devant Prosper. Il avait pris son parti et arrêté ses déterminations. « Il faut pourtant nous expliquer, dit-il. Passez dans votre bureau. » Le caissier obéit sans mot dire, presque machinalement, et son patron le suivit, prenant bien soin de refermer la porte derrière lui. Rien dans ce bureau n'annonçait le passage de malfaiteurs étrangers à la maison. Tout était en place. Pas un papier n'avait été dérangé. Le coffre-fort était ouvert, et, sur la tablette supérieure, on voyait un certain nombre de rouleaux d'or, oubliés ou dédaignés par les voleurs. M. Fauvel, sans se donner la peine de rien examiner, prit une chaise et ordonna à son caissier de s'asseoir. Il était devenu parfaitement maître de soi, et sa physionomie avait repris son expression habituelle. « Maintenant que nous sommes seuls, Prosper, commença-t-il, n'avez-vous rien à m'apprendre ?» Le caissier tressaillit, comme si cette question eût pu l'étonner. « Rien, monsieur, dit-il, que je ne vous ai appris. Quoi, rien ? Vous vous obstinez à soutenir une fable ridicule, absurde, que personne ne croira ? C'est de la folie. Confiez-vous à moi, là est le salut. Je suis votre patron, c'est vrai, mais je suis aussi et avant tout votre ami, votre meilleur ami. Je ne saurais oublier que voici 15 ans que vous m'avez été confié par votre père et que depuis ce temps, je n'ai eu qu'à me louer de vos bons et loyaux services. Oui, il y a 15 ans que vous êtes chez moi. Je commençais alors l'édifice de ma fortune et vous l'avez vu grandir pierre à pierre, assise par assise. Et à mesure que je m'enrichissais, je m'efforçais d'améliorer votre position à vous, qui, tout jeune encore, êtes le plus ancien de mes employés. À chaque inventaire, j'ai augmenté vos appointements. Jamais Prosper n'avait entendu son patron s'exprimer d'une voix si douce, si paternelle. Une surprise profonde se lisait sur ses traits. « Répondez, poursuivait M. Fauvel, n'ai-je pas toujours été pour vous comme un père? Dès le premier jour, ma maison vous a été ouverte. Je voulais que ma famille fût la vôtre. Longtemps, vous avez vécu comme mon fils, entre mes deux fils et ma nièce Madeleine. Mais vous vous êtes lassé de cette vie heureuse. Un jour, il y a 1 an de cela, vous avez commencé à nous fuir. Et depuis, les souvenirs de ce passé évoqué par le banquier, se présentait en foule à l'esprit du malheureux caissier. Peu à peu, il s'attendrissait. À la fin, il fondit en larmes, cachant sa figure entre ses mains. « On peut tout dire à son père !» reprit M. André Fauvel, que l'émotion de Prosper gagnait. « Ne craignez rien. Un père n'offre pas le pardon, mais l'oubli. Ne sais-je pas les tentations terribles qui, dans une ville comme Paris, peuvent assaillir un jeune homme ? Il est de ces convoitises qui brisent les plus solides probités. Il est des heures d'égarement et de vertige, où l'on n'est plus soi, où l'on agit comme un fou, comme un forcené, sans avoir, pour ainsi dire, la conscience de ses actes. Parlez, Prosper, parlez. Eh, que voulez-vous que je vous dise ? La vérité. Un homme vraiment honnête peut faillir, mais il se relève et rachète sa faute. Dites-moi, oui, j'ai été entraîné, ébloui. La vue de ces masses d'or que je remue a troublé ma raison. Je suis jeune, j'ai des passions. Moi ? Murmura Prosper. Moi ? Pauvre enfant, dit tristement le banquier. Croyez-vous donc que j'ignore votre vie ? Depuis un an que vous avez déserté mon foyer ? Vous ne comprenez donc pas que tous vos confrères vous jalousent ? Qui ne vous pardonne pas de gagner 12 000 francs par an ? Jamais vous n'avez fait une folie que je n'en ai été prévenu par une lettre anonyme. Je pourrais vous dire le nombre de vos nuits passées au jeu et les sommes perdues. Oh, l'envie a de bons yeux et l'oreille fine. Je sais quel cas on doit faire des lâches dénonciations. Mais j'ai dû m'informer. Il n'est que juste que je sache comment vit l'homme auquel je confie ma fortune et mon honneur. Prosper essaya un geste de protestation. Oui, mon honneur, insista M. Fauvel. Tu ne vois que le ressentiment de l'humiliation essuyée rendait plus vibrante. Oui, mon crédit. Qui aurait pu être compromis aujourd'hui par cet homme ? Savez-vous ce que vont me coûter les fonds qu'on va donner à M. de Clameron ? Et ces titres que je sacrifie ? Je pouvais ne pas les avoir. Vous ne me les connaissiez pas. Le banquier s'arrêta, comme s'il espérait un aveu qui ne vint pas. Allons, Prosper, du courage, un bon mouvement. Je vais me retirer. Et vous visiterez de nouveau la caisse. Je parierai que dans votre trouble, vous n'avez pas bien cherché. Ce soir, je reviendrai, et je suis sûr que dans la journée, vous aurez retrouvé, sinon les 350 000 francs, au moins la majeure partie de cette somme. Et ni vous ni moi, nous ne nous souviendrons demain de cette fausse alerte. Déjà, M. Fauvel s'était levé et s'avançait vers la porte. Prosper le retint par le bras. « Votre générosité est inutile, monsieur, » dit-il d'un ton amer. « N'ayant rien pris, je ne puis rien rendre. J'ai bien cherché. Les billets de banque ont été volés. Mais par qui, pauvre fou, par qui ? Sur tout ce qu'il y a de sacré au monde, je jure que ce n'est pas par moi. » Un flot de sang empourpra le front du banquier. « Misérable ! » s'écria-t-il. « Que voulez-vous dire ? Ce serait donc par moi ?» Prosper baissa la tête et ne répondit pas. « Ah, c'est ainsi !» reprit M. Fauvel, hors d'état de se contenir. « Vous osez ? Alors, entre vous et moi, M. Prosper Berthomy, la justice prononcera. Dieu m'est témoin que j'ai tout fait pour vous sauver. Ne vous en prenez qu'à vous de ce qui va arriver. J'ai fait prier le commissaire de police de vouloir bien venir jusqu'ici. Il doit m'attendre dans mon cabinet. Dois-je le faire prévenir ?» Prosper eut ce geste d'affreuse résignation de l'homme qui s'abandonne. Et d'une voix étouffée, il répondit. « Faites !» Le banquier était près de la porte. Il l'ouvrit, et après un dernier regard jeté à son caissier, il cria à un garçon de bureau. « Anselme, priez monsieur le commissaire de police de prendre la peine de descendre !» Fin de la section 1.